Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. Nous avons aujourd'hui une nouvelle leçon intermédiaire. An intermediate lesson. And this lesson was actually suggested by a user who said, why don't you do a lesson about a parent giving instructions to a babysitter? Why don't we? Oui. So we're about to listen to a dialogue where we're going to hear what a French parent would say to the babysitter and how they would say it when they're giving instructions. Tout à fait, Erika. Donc on va écouter ce dialogue maintenant. Alors, voici Nicolas, il a 7 ans. Bonjour Nicolas! Nicolas, dis bonjour à Stéphanie, ta babysitter. Il est un peu timide au début, mais après, ça va. Voilà ses livres et ses jeux préférés. Il aime bien écouter des histoires et jouer à cache-cache. À 4 heures, pour le goûter, donnez-lui un verre de lait, un petit beurre et une banane. Ensuite, il doit faire ses devoirs. Il voudra sans doute regarder la télé à la place. Il vous dira peut-être même que je suis d'accord, mais ne l'écoutez pas. Dites-lui que s'il veut regarder la télé, il doit d'abord terminer ses devoirs. D'accord. À quelle heure dîne-t-il en général ? À 19h. J'ai tout préparé, c'est dans le frigo. Je suis sûre que tout va bien se passer. Si jamais il y a un souci, voici mon numéro de portable. Nous revoici. Sounds like she's got it under control. She knows what to do now with Nicolas. Donc, on va reprendre la liste des conseils ici. Okay. So, she's going to babysit Nicolas. Oui, qui a 7 ans. Oui. And who's a little timid with la babysitter. So, they say he's a babysitter in French. Say it, I think it's funny. Babysitter. I love that word with the French accent. Il n'y a pas d'autre mot en français, c'est babysitter. And Nicolas is un peu timide with la babysitter. Oui, généralement, c'est comme ça avec les enfants. Ils sont toujours timides au début. Yeah, mais... Après, ça va. Après, ça va. So this interesting expression, mais après, ça va. Oui, c'est souvent comme ça quand on commence quelque chose. C'est difficile au début, mais après, ça va. So what are the things that Nicolas likes to do? Elle lui montre ses livres et ses jeux préférés. Okay, so he likes to read. Ouais. And he likes to play with toys. Aussi, il aime écouter des histoires. For other people to tell him des histoires. Oui, il a 7 ans, c'est normal. Yeah, it sounds like a normal kid. Ouais. And he also likes to play a game that kids like to play. Jouer à cache-cache. Cache-cache. Hide and seek. Ouais. You guys say hide, hide. Cache-cache. And you jouer à cache-cache. Ouais. C'est l'expression. Because you jouais à a game. Oui. Un jeu. Mm-hmm. Okay. So now we get to talk about what Nicolas is going to eat. It seems that during this babysitting experience, Nicolas is going to have to eat two times. Donc d'abord. Okay, first one. À 4 heures, le goûter. Un goûter. Oui. Is a snack. Oui. Un goûter. Which is interesting because normally les Français don't really eat les goûter so much. You guys are really fixed on not snacking in between meals. Tu as raison. En France, on dit souvent il ne faut pas manger entre les repas. Oui. Mais c'est différent pour les enfants. Les enfants, entre le repas du midi et le repas du soir, généralement à 4 heures, ils ont droit à manger quelque chose et ça s'appelle le goûter. Ok. Nicolas, qu'est-ce qu'il va manger pour le goûter? Un verre de lait, un petit beurre et une banane. Un petit beurre? Oui. Donc en fait, c'est simplement un biscuit, un petit beurre. So it's not giving him a big pat of butter. It's kind of gross. Non. It's a cookie. C'est ce biscuit. Okay. Qui est très connu en France. And it's a name brand, but it's so common that people just say it now as a noun. Voilà. Il est devenu un nom commun que tout le monde utilise. Yeah, like Kleenex. Exactement. Ouais. Après le goûter. Après, c'est plus difficile. Il doit faire ses devoirs. Oh no, okay. And it sounds like, up to this point, Nicolas is just an average kid. So, of course, il n'aime pas faire ses devoirs. Donc, ce qu'il voudra faire, il voudra sûrement regarder la télé à la place. So, yeah, the parent warns la babysitter. Il voudra, to want in the future, il voudra sans doute. It means you can expect this. It's gonna happen. Regarder la télé à la place. Instead. Voilà. Of something else. À la place. But the parent gives another warning. Here, of what else to expect. Il dira peut-être même à la babysitter que la mère est d'accord, qu'elle est d'accord. My mom said I could. No, it's okay, I do it all the time. Mais ne l'écoutez pas. He's lying. Ouais. Their parents know their kids so well. They think they're so sneaky kids, don't they? And so, you know, if he tries to pull that, dites-lui que s'il veut regarder la télé, what does he have to do? Il doit d'abord terminer ses devoirs. Terminer ses devoirs. And then he's got to eat again. Right? Kids are always eating. So this time though, we're talking about le dîner. Oui. À quelle heure dîne Nicolas, dîne-t-il en général? À 19h. 19h, 7 o'clock, 7 p.m. 7 p.m., yeah. 19 hours in army and French time. Oui. On pourrait dire aussi 7h du soir, à 7h. On peut utiliser les deux en français, à 19h ou à 7h. But usually then you would add le soir. Oui. But this time it's going to be easier. Parce qu'elle a tout préparé. It's all ready. Oui. Where is it? Et c'est dans le frigo. Dans le frigo. Oui. The most common way to talk about the refrigerator. Exactement. Le frigo. C'est vraiment ce qu'on emploie tout le temps en France, le frigo. So, don't worry. La babysitter's got under control. Oui, oui, elle a tous les éléments. Donc elle peut dire, je suis sûr que tout va bien se passer. But what if there's a problem? Mais si jamais il y a un souci, elle lui donne son numéro de portable. Elle dit, voici. Let's look at that. Un souci is how you say a worry. Exactement. S'il y a un souci, there's a problem. Are you worried about something? Could they have said equally, s'il y a un souci? Oui, on pourrait dire ça aussi. Okay, but if you say si jamais il y a un souci, it kind of just adds a little bit, like, you know, if there's any problems at all. Exactement. Si jamais il y a un souci. Oui. Here, voici mon numéro de portable. Oui. N'hésitez pas. All right, well, let's listen to that dialogue again. C'est parti. Alors, voici Nicolas, il a 7 ans. Bonjour Nicolas. Nicolas, dis bonjour à Stéphanie, ta babysitter. Il est un peu timide au début, mais après ça va. Voilà ses livres et ses jeux préférés. Il aime bien écouter des histoires et jouer à cache-cache. À 4 heures, pour le goûter, donnez-lui un verre de lait, un petit beurre et une banane. Ensuite, il doit faire ses devoirs. Il voudra sans doute regarder la télé à la place. Il vous dira peut-être même que je suis d'accord, mais ne l'écoutez pas. Dites-lui que s'il veut regarder la télé, il doit d'abord terminer ses devoirs. D'accord. À quelle heure dîne-t-il en général? À 19h. J'ai tout préparé, c'est dans le frigo. Je suis sûre que tout va bien se passer. Si jamais il y a un souci, voici mon numéro de portable. Donc nous revoilà. Bon, en fait, le Nicolas, c'est quand même un enfant sage. Not really. I mean, he's gonna lie and say that. Oui, mais attends, tous les enfants do that. Sont pareils. Well, we don't know though if he's good or not until after the babysitting experience. C'est vrai. So in France, like, is it normally who babysits? Majoritairement des lycéens ou des étudiants d'université. Okay, so even college students babysit. Oui, tout à fait, oui. That's actually what they would do as their part-time job. Exactement, parce qu'en France, on trouve moins facilement un petit boulot qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, right. On continue à faire des babysitting. It's harder to find a job, but it's also, they want to focus on their studies, they want to be working all the time. So babysitting is an easier... Exactement, oui. It's a part-time gig. Oui. Is it mostly girls that do it? Oui, tout à fait, oui. Les gens font plus confiance aux filles. Okay, so did you ever used to do it? Pour te dire la vérité, j'ai fait mon premier babysitting il y a 3 mois. Yeah, you babysit now all the time. It's crazy. Who trusts you with their kids? People are nuts. No, actually, I can picture that you're probably like such a good babysitter. You must be, because they ask you to do it all the time. Oui, j'ai fait attention. And it's a baby too, isn't it? Ouais, il n'avait pas 7 ans comme ici. Il était vraiment très jeune. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que elle a dormi tout le temps. Oh, okay. Ouais. So you're lucky. Ouais. Donc toi, tu as déjà fait du babysitting? I never used to do babysitting. Non? Mm-mm. Même quand tu étais en France? No. Non? You know, I've never really been much of a babysitter. Non? It's funny that you're the one that has babysitting experience here. Well, if you have any questions or you want to talk about this lesson, talk to us, anything at all, come to frenchpod.com. Rejoignez-nous sur le site et partagez vos expériences avec nous. À bientôt. Merci, au revoir.